بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc l'explication de ce livre très profitable de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, le livre intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. On est arrivé au chapitre Babun man tabarraka bi shajarin aw hajarin aw nahwihima, le chapitre concernant celui qui recherche la bénédiction d'un arbre, d'une pierre ou autre. Et ensuite il cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, afara'aytumul lata wal 'uzza, voyez-vous Al-Lat ainsi que Al-Uzza, wa Manat al-Thalithat al-Ukhra, ainsi que Manat la troisième. Donc les polythéistes qui adoraient des divinités, des pierres, des statues en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le fait de rechercher la bénédiction At-Tabarruk, il faut savoir que il se peut que cet acte soit légiféré ou non légiféré. Tu peux rechercher la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala en lisant le livre d'Allah. Allah azza wa jalla qui nous dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Et donc un livre sur lequel, un livre que nous avons fait descendre sur toi, qui est béni. Et donc tu recherches la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala en lisant son livre, en cherchant à méditer sur l'essence de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a une bénédiction qui n'est pas légiférée, c'est-à-dire la bénédiction, la recherche de la bénédiction comme le faisaient les polythéistes lorsqu'ils recherchaient la bénédiction chez leurs divinités, leurs idoles. La personne va avoir la ferme croyance que cette idole a la capacité d'entraîner un bien ou de protéger d'un mal. Ceci est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et il y a une autre façon de rechercher la bénédiction qui n'est toujours pas légiférée. C'est le fait de ne pas croire que cette idole ou cette chose que tu vas utiliser pour rechercher la bénédiction, tu ne crois pas que cette chose, c'est elle qui entraîne la bénédiction. Tu crois bien que la bénédiction vient d'Allah. Mais tu vas utiliser cette chose qui n'est pas légiférée. Il n'y a aucune preuve qui montre que tu peux rechercher la bénédiction de cette chose-là. Alors ici, les savants nous disent qu'on est dans le polythéisme mineur. Pourquoi ? Parce que c'est un acte que tu fais qui peut entraîner par la suite au polythéisme majeur. Le fait que la personne par la suite croit que réellement cette chose entraîne réellement la bénédiction. Comme par exemple les personnes qui arrivent à la Mecque et qui cherchent à se frotter à toute chose qui ressemble à de l'or. Dès qu'ils voient une décoration, quelque chose qui ressemble un peu à de l'or, ils vont se frotter dessus en recherchant quoi ? En recherchant la bénédiction. S'ils pensent que cette chose-là en elle-même, elle entraîne la bénédiction, alors ceci est un acte qui fait sortir l'islam. Mais s'ils pensent que la bénédiction vient d'Allah et qu'ils recherchent la bénédiction par un élément sans preuve venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors là, ce qu'ils font, n'est pas légiféré. Et donc, il est important que nous fassions attention à ne pas tomber dans toutes ces formes de recherche de bénédiction qui ne sont pas légiférées. Mais nous devons rechercher la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala seul en utilisant les moyens légiférés. Et donc à partir de là, on comprend donc le chapitre, ce que l'auteur il nous montre ici, il nous montre une forme de polythéisme. Et ensuite l'auteur il a utilisé le verset qu'on a cité tout à l'heure. Et donc, avez-vous vu la divinité El-Lat ainsi que El-Uzza, ainsi que Manat, la troisième? Jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. » Certes, ils ne font que suivre les conjectures, et les penchants, donc metahwal anfus, les penchants des âmes, alors que la guidée leur est parvenue, la guidée leur est venue venant de leur Seigneur. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il a blâmé les polythéistes qui recherchaient la bénédiction, qui adorait des statues, des objets, des pierres. Et donc, il est important qu'on comprenne, barakallahu fikoum, que ce que Allah tabaraka wa ta'ala a reproché aux autres peuples, nous ne pouvons pas tomber dedans. Si Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous montre les erreurs des peuples précédents, c'est pour nous mettre en garde, nous, quant au fait de tomber dans ces mêmes erreurs. Et donc, tu recherches la bénédiction, on recherche la bénédiction auprès d'Allah seul. Et ensuite, l'auteur nous cite un hadith. Il nous dit « Al-Abi Waqidin Al-Layfi qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn. » ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Et donc selon Abi Waqid al-Layfi, radiallahu anhu, qui nous dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en direction de Hunayn, alors que nous n'étions convertis que depuis peu. Hudafa ahdin bikufr, c'est-à-dire qu'ils ont délaissé la mécréance depuis peu. C'était de nouveaux musulmans. Et certes, les mouchriquins, ils avaient un arbre, un sidra, auquel, donc, autour duquel il restait. Il restait autour de cet arbre. Et ils accrochaient leurs armes à celle-ci. Ils recherchaient la bénédiction pour leurs armes, pour eux-mêmes. Ils accrochaient leurs armes à cet arbre pour rechercher la... Ils accrochaient leurs armes à cet arbre pour rechercher la bénédiction. Et cet arbre était appelé Vetu Anuato. Alors, lorsque nous sommes passés à côté d'un arbre, un sidra, on a dit, ô messager d'Allah, accorde-nous vêtu anwat, kemelahum vêtu anwat. Accorde-nous vêtu anwat de la même façon que eux, ils ont un arbre vêtu anwat. Fait quoi le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar. Alors là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il a dit « Allahu Akbar !» Allah est plus grand que toute chose. « Innaha sunan !» Certes, ce sont les voix qui se répètent. « Kultum walladhi nafsi biyadi »« Kama qalat benu Israël ali Moussa »« Ij'al lana ilahan »« Kama lahum aliha » Vous avez dit « Par celui dont mon âme est entre ses mains » Vous avez dit comme le peuple de Bénou Israël, les enfants d'Israël ont dit à Moussa, accorde-nous une divinité. De la même façon que eux, ils ont une divinité. Certes, vous allez suivre les voies de ceux qui étaient avant vous. Rawahu al-Tirmidhi wa sahahahu. Donc ce hadith a été rapporté par al-Tirmidhi qui l'a jugé authentique. Et donc les polythéistes, ils accrochaient leurs armes à cet arbre pour rechercher la bénédiction. Et nous, à partir de là, on va tirer plusieurs leçons de ce hadith qui a été cité. Premièrement, le fait que l'individu est excusé par son ignorance. Car comme vous avez pu le comprendre, les compagnons qui étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, il nous cite Abu Waqidin al-Layfi et nous dit qu'ils avaient quitté la mécréance depuis peu de temps. Et donc forcément, ces gens-là, ils s'étaient convertis, eux, donc durant la conquête de la Mecque. Et il y avait entre la conquête de la Mecque et la Ghazwa, la bataille de Hunayn, il n'y a eu que quelques jours. Certains savants nous disent un mois. Au maximum, il nous dit Cheikh Obeid al-Jabir. Et donc ces gens-là, forcément, à partir de là, il y avait plusieurs choses de l'islam qu'ils ignoraient, radiallahu anhum, à ce moment-là. Ils ont donc été excusés par leur ignorance. Et donc ce principe, il est important. Nous avons dans notre religion l'excuse de l'ignorance. Une personne qui ne sait pas que ce qu'elle a accompli n'est pas interdit, elle ne sait pas que ce qu'elle a accompli, donc c'est du polythéisme, etc., etc., alors on lui apprend et on lui enseigne. On ne se précipite pas, ah, un tel, c'est un mécréant parce qu'il a fait ci, etc. Notamment nous, ici en Martinique, on a des personnes qui ne peuvent aller à la mosquée que le vendredi. Ils ne peuvent aller à la mosquée que le vendredi et qui, même en allant à la mosquée le vendredi, ont du mal à comprendre le discours qui est donné. Et donc, il faut qu'on fasse preuve de patience et de miséricorde. Deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est la dureté. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être miséricordieux, on ne va pas se précipiter en traitant la personne de mécréance, et le fait d'appliquer la dureté lorsqu'on voit une contradiction avec notre législation. Aujourd'hui, parfois, certaines personnes, lorsqu'ils voient une personne qui va leur parler durement, lorsqu'ils ont mal agi, ils vont dire « Ah, lui, il est dur, il est méchant. Il est dur, il est méchant. » Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a fait ? Allahu Akbar ! Allah est plus grand que toute chose. Inna as-sunan. Ce sont les voix qui se répètent. Kultum walladhi nafsi biyadi. Kama qala banu Israil li Musa. Vous avez dit par celui dont mon âme est entre les mains, vous avez dit comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Accorde-nous une divinité de la même façon que eux ils ont une divinité. Ce sont des paroles qui sont dures. Mais c'est exactement ça la sagesse. Aujourd'hui, les gens ne savent plus c'est quoi la sagesse. Ils pensent qu'être sage, c'est rester là et ne pas parler. Être sage, c'est rester là et ne pas parler. Laisser les gens faire n'importe quoi. Laisser les gens faire ce qu'ils veulent de la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala et ne pas parler. Ils vont tout dire, c'est ça la sagesse. Il est sage. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas parlé. Mais c'est totalement faux. La sagesse, qu'est-ce que c'est que la sagesse ? Les savants de l'islam ont défini la sagesse. La sagesse, c'est le fait de mettre les choses à leur place. C'est ça la sagesse. Être dur quand il faut être dur. Si tu es dur à un moment où il ne faut pas être dur, tu vas tomber dans l'exagération. Et être doux à un moment où il faut être doux. Si tu es doux à un moment où il ne faut pas être doux, tu vas tomber dans le laxisme. Et donc la sagesse, c'est le fait de mettre les choses à leur place. Est-ce qu'on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de sagesse lorsqu'il reproche le mal? Et ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, "Litarkabunna sunana man kana qablakum." Vous allez suivre les voies de ceux qui étaient avant vous. Et donc, il est important, barakallahu fikum, qu'on comprenne le comportement que le musulman doit avoir lorsque on voit des éléments qui contredisent notre législation. Aujourd'hui, une personne qui va reprocher la sorcellerie, alors qu'il voit des sorciers devant lui à la mosquée, on va dire, ah oui, lui il est dur. Subhanallah. Lui il est dur. Ah ben non, il ne faut rien dire. Il faut rester comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons enseigner aux gens ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une responsabilité. Et ce n'est pas du tout un manque de sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous montre aussi le fait qu'il nous est interdit justement de faire comme les polythéistes. Mais il nous montre que la communauté musulmane va suivre les polythéistes. Hein? Comme on a aujourd'hui des personnes qui nous disent qu'on peut fêter la nouvelle année, le nouvel an avec les polythéistes. On peut fêter Noël. On va suivre les polythéistes dans la façon de parler, la façon de s'habiller, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de cela. Aujourd'hui même, dans la façon d'enterrer les morts, aujourd'hui la communauté musulmane, beaucoup de musulmans, ils vont faire comme les chrétiens dans la façon d'enterrer les morts. Laisser le visage découvert, faire un discours, etc., etc. Tout ça, ce n'était pas connu dans les débuts de l'islam. Et donc, il est important qu'on fasse attention à ce genre de choses. Les savants nous citent aussi parmi les leçons qu'on peut tirer de ce hadith, le fait de défendre la croyance correcte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé ses compagnons comme cela. Mais il a défendu la vérité. Il a défendu la croyance. Allahu Akbar. Comme Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de faire. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, les étudiants, les imams, les prédicateurs assument ce rôle important, le fait d'enseigner la religion aux gens. Et parfois, nous allons leur reprocher des choses. Parfois, nous allons leur dire, c'est bien. Et parfois, nous allons leur dire, non, ce n'est pas comme ça. Et c'est un bien pour la communauté musulmane. Et aussi, parmi les leçons qu'il y a dans ce hadith, le fait que les nominations ne changent pas les choses. Une chose peut changer de nom, mais elle reste mauvaise. Elle reste mauvaise, même si son nom change. Exemple. Aujourd'hui, ils vont nous dire, non, je ne suis pas sorcier, je suis médium. Ils nous disent, je suis médium. Je ne suis pas voyant, je suis médium. On va te dire, tu peux changer 1000 fois de nom. C'est la même. De la même façon que les compagnons, ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accorde-nous d'être anouat, comme eux ils ont d'être anouat. Le prophète il leur a dit quoi? Par Allah, vous avez dit comme le peuple de Béni Israël, ils ont dit à Moussa. Qu'est-ce qu'ils ont dit Béni Israël à Moussa? Accorde-nous une divinité de la même façon que eux ils ont divinité. C'est pareil. Alors que les compagnons ils n'ont pas dit accorde-nous une divinité, ils ont dit accorde-nous d'être anouat. Mais au final, c'est pareil. Parce que le fait de rechercher la bénédiction chez autre qu'Allah revient au fait d'adorer cette chose. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de comprendre cela. Que les nominations ne changent pas la réalité des choses. Une innovation reste une innovation. Une tenue interdite reste une tenue interdite. Même si tu l'appelles burkini. Tu peux l'appeler burkini, tu peux l'appeler même sitarkini, tu peux l'appeler comme tu veux, voilkini, comme tu veux. Ça ne change pas le fait que cette tenue n'est pas correcte. Comme ils nous font aujourd'hui avec les musiques islamiques. Musique islamique. Tu peux rajouter islamique mille fois derrière si tu veux. Tu ne changes pas le fait que cette musique est interdite. C'est tout. Et autre chose interdite que les gens aujourd'hui veulent faire rentrer dans la législation en rajoutant le mot islam derrière ou sunna ou autre. Et donc il faut faire très attention, barakallahu fikoum, à ne pas tomber dans ce piège et à surtout apprendre notre législation. On voit aussi dans ce hadith l'importance d'apprendre. Car ce qui a fait que ses compagnons, radiallahu anhum, aient commis cette erreur, eh bien c'est le fait qu'ils ignoraient. Et donc ça nous pousse, barakallahu fikoum, à apprendre. Notamment ici, nous avons beaucoup de convertis, des nouveaux convertis. On doit apprendre notre religion. Il est important d'apprendre le tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. D'apprendre la croyance authentique. Vous voyez la communauté qui s'est divisée, il y a des sectes qui ont apparu. Il est important d'apprendre quelle était la croyance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La croyance des compagnons, radiallahu anhum, ce dont Allah, tabaraka wa ta'ala, est satisfait d'eux. Quelle était leur croyance? Et donc, barakallahu fikoum, j'espère que on va tous faire des efforts, bi'idhnillahi ta'ala, pour apprendre notre religion, pour apprendre la croyance musulmane, pour apprendre la croyance, la seule croyance qui mène au paradis. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. On continue, inshallah ta'ala, la semaine prochaine.